7. Les armes de la raison. La contenance embarrassée de Fulgence à la vue de Clément, et l'air d'inquiétude qui se répandit aussitôt sur sa physionomie, marquèrent son étonnement d'une démarche, à laquelle il était loin de s'attendre. « Est-ce monsieur qui vous a prié de me faire appeler, mon père ?»« Oui, mon fils. » Fulgence, resté debout, dit à Clément d'un ton sec. « Il me semble que ce n'est pas ici, ni le lieu, ni le moment, d'une explication. »« Je suis seul juge de l'opportunité de ma visite, » répond Clément sans s'émouvoir, « et j'espère que vous voudrez bien m'écouter. » « Je m'y refuse positivement. » Monsieur Darrault prend la parole. « Monsieur m'a dit qu'il s'agissait d'une question d'honneur. Faites-moi le plaisir, mon fils, de demeurer et de prendre un siège. » Cette prière était faite d'un ton qui n'admettait point de réplique. Fulgence obéit, non sans manifester son mécontentement, par un geste de dépit et d'impatience. Monsieur Darrault encouragea Clément d'un signe de la main. « Parlez, monsieur. Avant que je m'adresse à votre fils, permettez-moi, monsieur, de vous donner quelques éclaircissements. » « Je vous écoute. Je suis fils d'un obscur cultivateur de l'Anjou. J'ai une sœur qui est femme de chambre. Cette sœur a été publiquement insultée. Si vous pensez qu'une insulte faite à une fille de paysan, à une servante, vint-elle d'un de vos proches, est une de ces misères dont on rit, et qui ne mérite ni attention ni justice, je n'irai pas plus loin. Ma présence ici devient inutile, et je suis prêt à me retirer. En ce qui touche l'honneur, répond M. Darrault, je ne reconnais de distinction ni de rang, ni de fortune. » « Ce sont de bonnes paroles, et précieuses pour moi, que vous venez de prononcer là. Vous souffrirez, monsieur, que je vous les rappelle plus tard. » Et se retournant du côté de Fulgence, « C'est maintenant à vous que je vais m'adresser. » Après quelques secondes de recueillement, il reprend d'une voix où perce malgré lui son émotion. « Une pauvre fille est venue se mettre en service dans la maison de votre père. N'ayant plus la protection de sa famille, elle devait se croire à l'abri de tout danger, sous la sauvegarde de la vôtre. Sans expérience d'un monde tout différent de celui où elle avait jusqu'alors vécu, elle avait droit à vos égards, à votre respect, au moins à votre indifférence. Cependant, au mépris de toutes les lois de l'hospitalité, vous avez trompé sa bonne foi, abusé de son ignorance, ou lui avez ravi le seul bien qu'elle posséda, l'honneur. Ce n'était pas assez. Il vous fallait des applaudissements, une ovation, et vous l'avez forcée à venir elle-même avouer sa honte publiquement, dans une scandaleuse réunion de vos amis. « Maintenant, je viens vous demander, monsieur, quelles sont vos intentions à l'égard de celle à qui vous avez causé un si grand dommage ?»« En vérité, » répond Fulgence d'un ton léger, « s'il fallait prendre souci de toutes les aventures plus ou moins faciles qu'un jeune homme est exposé à rencontrer sur sa route. »« Prenez garde, mon fils, » interrompit monsieur Darrault. « Monsieur vous a interrogé sérieusement. C'est sérieusement que vous devez répondre. »« Soit. Je vous répondrai donc, monsieur Toussaint, que je ne sais à quoi tend votre question, ni dans quel but vous avez tenu à me l'adresser en présence de mon père. » Ne suis-je pas engagé hier à vous faire réparation ? À moi ? Quelle réparation, s'il vous plaît ? J'ai chargé deux de mes amis d'en régler les conditions avec les personnes qui auront mission de vous représenter. Fort bien, c'est un duel que vous m'avez offert. Voudriez-vous m'expliquer comment un duel deviendra pour ma sœur une réparation ? Il y en aurait une autre, peut-être, reprend Fulgence d'une voix moins assurée, en interrogeant du regard le visage impassible de son père. Laquelle, monsieur ? Mademoiselle Thérèse pourrait retourner dans son pays. Sa famille y chercherait pour elle un établissement. Et afin de rendre la chose plus facile, je ne doute point que mon père ne consentit. N'achevez pas, interrompit Clément avec dignité. Épargnez-vous une honte et à moi une injure. Monsieur, il y a un troisième moyen de réparation dont vous n'avez point parlé. Je ne le connais point. Je suis venu ici pour vous le faire connaître. Quand on a rendu pour une jeune fille tout autre nom impossible, monsieur, on lui donne le sien. Fulgence se lève et, souriant avec dédain, « Si vous n'avez à me faire, dit-il, que des propositions ridicules. » Un geste impérieux de M. Darrault le contraint à se rasseoir. « Il ne fallait pas, mon fils, vous mettre dans la position d'être forcé de les écouter. Mes propositions vous paraissent ridicules ? » reprend Clément avec le plus grand sang-froid. « Je trouve, moi, que les vôtres sont infamantes, pour vous qui les faites, pour ma sœur et pour moi, si nous les acceptions. Prétendre que j'épouse une servante ? Eh, monsieur, si vous ne voulez pas épouser vos servantes, respectez-les. De l'argent, nous ne sommes plus autant des seigneurs, qui croyaient leurs vassales faites pour leur plaisir, et pensaient être généreux en les payant. Un duel, c'est un progrès, j'en conviens. Autrefois, on ne se battait point avec le frère d'une si petite victime. S'il se permettait de crier, on se contentait de le faire bâtonner par ses gens. Gardez votre or qui ne peut rien cacher, gardez votre sang qui ne peut rien laver, je ne vous demande que d'être honnête homme. Il se fait un moment de silence. Le calme et la logique de Clément sont pour Fulgence des armes trop fortes. L'épée la plus redoutable lui paraît mille fois plus facile à braver. Il regarde son père comme pour solliciter son appui. le visage de M. Dorvaux a une expression sévère qui lui fait aussitôt baisser les yeux. Ainsi pressé, il ne voit qu'un moyen de salut, rendre hommage à la vérité. Mais révéler dans ses odieux détails toute sa déloyale machination, c'est se couvrir d'opprobre. Il ne peut s'y résoudre. Cependant, il faut sortir de cette position. Il se décide à faire un demi-aveu. « Je reconnais, dit-il sans oser regarder en face, ni son père ni Clément, que j'ai commis une faute plus grave que je ne l'avais pensé d'abord. Mon étourderie n'avait point calculé les conséquences d'un défi où je ne voyais d'intéressé que mon amour propre. Pour en sortir à mon avantage, j'ai employé des moyens qu'aurait dû repousser ma délicatesse. Quelque pénible que soit un aveu qui m'humilie, je ne puis le retarder sans aggraver encore le mal que j'ai fait. Votre sœur, M. Clément, peut toujours marcher la tête haute. Je me suis vanté d'une action que je n'ai point commise. Ah, monsieur, la peur de ce que vous appelez une mésalliance vous fait perdre la mémoire. Et cette lettre dont vous avez fait trophée, cette lettre que j'ai vue, que j'ai lue, prouverait une liaison de cœur, rien de plus. Défaite, monsieur. Eh bien, si je vous avouais que cette lettre tombée par hasard entre mes mains n'avait pas été écrite pour moi, elle était adressée à un autre, à monsieur Marcel, probablement. Oh, alors, monsieur, je vous répondrai. Mais encore une fois, c'est une défaite. Vous doutez de ma parole? La parole d'un homme capable des infamies dont vous vous accusez? Monsieur. Et quand j'y croirai à votre parole? Est-ce moi seul qu'il faut vous convaincre? Est-ce devant moi seul que la réputation de ma sœur a été flétrie? Vous ne prétendez pas, je suppose, que je pousse l'abnégation jusqu'à me déconsidérer moi-même aux yeux de mes amis, en renouvelant devant eux l'aveu que je viens de vous faire? Non, monsieur, car cette abnégation, comme il vous plaît d'appeler ce qui serait strictement un devoir, serait malheureusement inutile. Vous vous êtes mis dans l'impossibilité de porter la conviction dans l'esprit de ceux devant qui vous avez diffamé ma sœur. Ils regarderaient votre aveu comme une lâcheté, s'ils pensaient que vous y avez été contraint. S'ils le croyaient volontaire, ils vous en feraient honneur comme d'une générosité. Que votre déclaration ne soit qu'un expédient, ou qu'elle soit sincère. Et je serais heureux qu'il en fût ainsi. La position de ma sœur reste donc la même. Il n'y a que votre nom qui puisse être pour elle une réparation. L'ambition vous rend habile, monsieur Clément. L'ambition, l'ambition. Mais je dois rester calme jusqu'au bout. Vous vous trompez, monsieur Fulgence. Je n'ai d'autre habileté que la conscience de mon droit. Et je vais vous donner la preuve que l'ambition n'est pour rien dans tout ceci. Thérèse ne prétend ni à partager votre fortune, ni à vivre dans le monde où vous vivez. Vous n'aurez à porter le poids de votre mésalliance que juste le temps qu'il vous faudra pour l'autoriser à s'appeler Madame Dorvaux. Dès le même jour, et sans recevoir de vous autre chose qu'un nom, elle ira dans son pays, au milieu de sa famille, reprendre l'existence obscure et ignorée dont elle était heureuse avant de vous avoir connue. Telles sont ses conditions. Elles ne peuvent manquer de vous convenir. Nous sommes prêts à signer tous les actes que vous jugerez nécessaires pour en assurer l'exécution. « Je vois qu'il nous est impossible de nous entendre, » dit Fulgence en se levant. « Je n'ai plus de réponse à vous faire. »« Cependant, mon fils, » dit M. Dorvaux, qui avait écouté silencieusement ce débat, « il faut arriver à une conclusion. »« M. Toussaint les repousse toutes. »« Vous vous trompez. Il en est une qu'il a posée lui-même. »« Et c'est vous, au contraire, qui l'a rejetée. »« Mais, mon père, souffrez que je vous fasse à mon tour connaître la mienne. »« Elle aura peut-être un meilleur sort. »« Avant tout, répondez à une seule question. »« Mais répondez-y aussi sincèrement que vous le feriez devant Dieu lui-même. » « Dois-je avouer foi à vos derniers aveux ?»« Oui, mon père. » »« Vous jurez que les relations dont vous vous êtes vanté ne sont qu'une fable imaginée pour la satisfaction de votre amour propre ?»« Je le jure. » »« Tant pis pour vous, monsieur. Vous êtes plus pervers encore que je ne le craignais. Voici mon arrêt. Vous épouserez Thérèse. »« Jamais. » »« Je n'ai point le droit de vous y contraindre. Je le sais aussi bien que vous. Ne vous pressez donc pas de m'interrompre et veuillez m'entendre jusqu'au bout. Vous ne voulez point épouser Thérèse. Soit. » Alors c'est à moi de lui faire réparation, à moi de flétrir hautement, publiquement, votre conduite par la mienne. À partir du moment où votre refus sera définitif, Thérèse devient ma seconde fille. Elle partage tout avec votre sœur, mon affection, ma maison, ma fortune. Ma fortune, entendez-vous bien? Il y a des moyens pour cela. Quant à vous, je vous chasse. Foudroyé par cette alternative, Fulgence se courba la tête. Il fut convenu qu'on signerait le lendemain un contrat où seraient stipulées des conditions que M. Dorvaux se réservait de dicter lui-même, et que le mariage sera célébré dans le plus court délai.